Ce soir que les sept finissent sur son 31. Vous êtes beaux. C'était pas vraiment prévu, mais t'es même 3h20. La dérange inconnue, la visite du baron. Mais le beau baron, c'est bon. Ils agissent comme de coutume d'une rencontre à la police. Le baron survient parti pour un tour de piste. Un petit tour les gars. La dérange avait son alors. Est-ce que c'est un standard? QSM ce soir prendra Pénère. Sur Pénère. Le baron explique sans contrainte ses directives. Oh, toi tu fais ci, toi tu fais ça. QSM tape. Façonne des gencives. Le soir contrôle le tempo en hanchant la gueule. Et un petit dièse. Supplète son pied. Et fait pleurer votre folle. Au bout de quelques heures, c'est inévitable. Oh là là, quel bouton! On peut s'y faire les feux! Un grand coup de l'arsène! Oh les biquettes! On bug le QSM, aveuglé par la haine! Le baron est fier! Le baron est de son effet! Oh, vous m'avez fait plaisir! QSM peut s'y faire! Dans un petit deux états! Le squam a des rutes! Comme le baron de l'estac! QSM en avant! C'est parti les petits gars. Oh que c'est mon amour. Que c'est mon amour. Que c'est mon le club. A la Lucky Luke. Toi tu salis ton slip. Un peu comme Quick et Fluke. Que c'est comme Yann et Villa. Porte un poncho mexicain. Il ressemble à Poncho Milané. Mais en bien plus vilain. Yann et Villa. Un bon celui-là, on vient plus vilain.